Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Vous avez l'essentiel de l'actu tech de cette semaine et donc l'essentiel de l'actu de l'intelligence artificielle dans l'épisode hebdomadaire qui est l'épisode précédent du flux du podcast. Mais bien évidemment, comme chaque semaine, vous avez droit à plus, encore plus de contenu avec le supplément. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Est-ce que t'as tout un petit peu arrangé depuis notre enregistrement de mardi? Oui, bah oui, j'ai eu le temps de me reposer bien comme il faut, là ça va. Ah, bah je suis rassuré, ça me fait de la peine de sentir que tu es aussi embêté par ta gorge, mais on est à fond derrière toi, Guillaume, et quand je dis « on », c'est qu'en plus, on a fait revenir quelqu'un qui nous a accompagné pour cet enregistrement mardi, c'est Steph. Salut Steph, comment vas-tu? Salut, oh bonjour. Merci beaucoup de te joindre. Bon, on va arrêter cette blague que tous les podcasts qui enregistrent plusieurs épisodes d'un coup font de manière récurrente. Oui, on enregistre l'épisode hebdomadaire et le supplément le même soir. Donc, Steph est à nouveau avec nous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, sur ses centres d'intérêt, ben, raison de plus pour aller écouter l'épisode hebdomadaire. Vous avez vu mon plan machiavélique pour vous forcer à écouter plus d'épisodes. Bas son plein. On vous rappelle bien évidemment les incontournables qui sont de soutenir le podcast sur Patreon si vous trouvez qu'il a une moindre valeur pour vous à titre informatif ou à valeur de divertissement. Et si en plus vous voulez avoir les épisodes suppléments quelques jours avant, je pense que c'est le meilleur moyen en allant sur patreon.com/techcafé en choisissant un palier de soutien. Et puis évidemment, on compte sur vous pour aller déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur notre traitement de la tech sous un angle politique ou peut-être des sujets qu'on aborde dans Tech Café et à quel point votre rapport au podcast est important. C'est évidemment très précieux pour nous pour valoriser l'image de Tech Café sur les plateformes de podcast. On a plusieurs thèmes qu'on va aborder ensemble. Évidemment, on va parler de santé. C'est le dada de Steph et je pense qu'il a plein de choses à nous apporter là-dessus. On a des choses autour du développement, des fonctionnements informatiques un peu plus fondamentaux. On a des petits retours crypto, mais avant tout, on va parler un petit peu des grandes boîtes tech sous un angle un petit peu politique. Forcément, vous m'avez vu venir, Guillaume, tu vas nous reparler encore de la section 230. Ben oui, c'est en ce moment même que la SCOTUS réfléchit sur l'avenir d'Internet tel qu'on le connaît, hein, c'est présenté comme ça. Alors SCOTUS, c'est rigolo comme nom, hein, SCOTUS, mais en fait, c'est la Supreme Court of the United States, donc c'est sérieux, c'est très très sérieux. Mais bon, les Américains sont littéralement accros aux acronymes, hein, il faut absolument mettre des acronymes partout, donc SCOTUS, ça fait, voilà, si vous prenez les trucs, ça fait SCOTUS. Bon, et bref, en ce moment même, Google et Twitter doivent se défendre devant cette SCOTUS, hein, dans le cadre de deux grosses procédures. Gonzalez versus Google et Tamney versus Twitter, qui les accusent de promotion du terrorisme, rien que ça. Les deux plaignants sont des familles de victimes des attentats du 15 novembre, et donc leur cas a déjà fait l'objet d'un fantastique, d'une énorme partie de ping-pong juridique entre divers tribunaux américains, et ça a fini par se retrouver devant la Cour suprême, bah, qui est franchement bien embêtée. Mais vraiment, hein, j'exagère pas, ça la gonfle. Ils l'ont dit explicitement. Ils ont dit explicitement, on n'est pas les 9 plus grands experts de l'Internet. Je cite à une des juges. L'enjeu, on en a... C'est la mort. Ah mais vraiment, hein. L'enjeu, on en avait déjà un petit peu parlé, c'est que Google, via YouTube en particulier, et Twitter, ont non seulement hébergé des contenus terroristes, mais ils les ont aussi recommandés. Parce qu'ils ont des algorithmes qui décident de la visibilité de chacun, ils doivent avoir une responsabilité éditoriale et rendre des comptes quand ça part en cacahuète. Ça, c'est l'argument des plaignants, et celui des accusés, bien sûr, c'est hop, perché, section 230, totem d'immunité. Bon, l'enjeu réel, c'est donc de savoir si cette section 230 doit être réformée ou pas, ce qui n'est pas le boulot de la Cour suprême, mais celui du Congrès, en fait. Autre chose, d'ailleurs, que les suprêmes, décidément pas très inspirés par le cas, ont aussi, d'ailleurs, dit explicitement. L'argument des Big Tech et des Big Tech étant classique, hein, évidemment, hein, si vous virez la 230, ça va être le bordel total, on sera paralysé par les procès, et aucune petite boîte ne pourra ni survivre ni émerger. Google et Twitter viennent de plaider, en quelque sorte, leur défense, et ce qu'on peut résumer, c'est que Twitter est assez nul à se défendre. À plusieurs moments, il n'a pas été très convaincant, et les juges lui ont tendu des perches pour s'en sortir, qu'il n'a pas vraiment saisi. Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque la Cour suprême, finalement, elle est quand même, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, totalement consciente des enjeux qu'elle a entre les mains, et qu'elle n'a pas envie de faire une bourde qui pourrait avoir des répercussions économiques très importantes. Globalement, elle essaye d'avoir une attitude légaliste extrêmement technique, voire clinique, la plus clinique possible, et on a un peu l'impression qu'elle aimerait finalement que Google et Twitter gagnent juste pour se débarrasser du dossier, parce qu'elle considère que c'est à peine son boulot, ce genre de sujet. Et pragmatiquement, d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qui pourrait se passer, puisque si rien n'est décidé par la SCOTUS. De toute façon, le Congrès, il est chaud hein, pour changer la 230 depuis des années. Évidemment, il faudra qu'ils arrivent un jour à se mettre d'accord. Mais ça pourrait arriver pour de vrai, donc à ce moment-là. Donc, il est probable que de toute façon, on n'aura pas de conclusion avant le mois de juin. Et donc, il semble que la 230 puisse tenir bon. Tout est possible, surtout si Twitter continue de se vautrer comme ça. Mais pour l'instant, bon, pas de quoi s'inquiéter outre mesure. Je me demande toujours par quoi on pourrait remplacer la 230, mais j'imagine qu'il y a plein d'idées et plein de paquets législatifs possibles. Et toutes les possibilités de l'amender, d'émettre des exceptions, etc. etc. C'est où, là. Rien de simple, mais on en reparlera. On parle un peu de Google, Guillaume. Oui, Google est un petit peu attaqué de partout en ce moment, enfin bon, comme un peu tout le temps, hein. Donc en plus de la SCOTUS, Google est sous le coup de plusieurs attaques antitrust sur sa position dominante sur la pub en ligne, donc il a au moins 9 procès en cours là-dessus, rien qu'aux États-Unis. Et le Department of Justice, il n'est pas très content parce qu'il découvre que Google ne conserve pas tous les messages sur ses chats internes. Bon, la messagerie pro chez Google se remettra à zéro toutes les 24 heures. C'est pas forcément absurde, surtout si on est une Marie Kondo de la messagerie, et c'est vrai que c'est effectivement pratique hein, pour nettoyer d'éventuels messages compromettants. Bon, du reste, j'ai adoré la réponse de Google qui dit en substance qu'il a déjà produit 4 millions de documents pour ces procès-là, et des millions d'autres pour les régulateurs à travers le monde. Donc ça fait des millions, voire des dizaines de millions de documents qui se baladent, Il y a des gens qui les lisent, vraiment, ça me donne le vertige et un petit peu de nausée d'ailleurs. Bon, changeons de pays. Ils les envoient à ChatGPT. Bah, mais de toute façon, c'est clair et net qu'à un moment donné, c'est les IA qui vont envoyer des trucs à d'autres IA qui vont les lire. Bon, enfin, en tout cas, changeons un peu de sujet et surtout de pays avec Google, toujours, mais qui a été condamné en Inde à autoriser des systèmes de paiement alternatifs sur le Play Store. Donc il doit aussi se permettre, il doit permettre de choisir le moteur de recherche et quelles apps seraient incluses d'office sur les téléphones Android du pays. Alors Google obéit en traînant la savate hein, comme il se doit, il n'a toujours pas autorisé de magasin d'app alternatifs sur son propre Play Store par exemple, mais ça bouge et du coup ça montre que tout est possible finalement, hein. Même les plus gros peuvent bouger, il peut y avoir des changements très importants. Google était condamné par la Cour suprême indienne et ce pays est un marché tellement important qu'il n'a pas tellement d'autres choix, hein, j'imagine. Alors évidemment tout ça c'est aussi un petit peu moins de fric dans la poche de Google hein, qui continue de faire des économies, d'ailleurs il a sabré Everyday Robotics, une division qui était spécialisée dans les robots non industriels, justement, donc des robots pour le bureau, pour la maison. Mais bon, ça rapporte pas, et donc les ingénieurs vont être replacés dans d'autres unités, donc on consolide. Et on consolide aussi les bureaux chez Google, enfin chez Google Cloud, pour être précis. Parce que bon, Google Cloud, bon bah, c'est pas vraiment qu'il réussit pas, mais c'est pas vraiment qu'il échoue, mais disons qu'il réussit pas. Tu vois, ma mamie, elle parlait toujours de Poulidor, l'éternel second. Et oui, et peut-être un jour, quand je serai très très vieux, et oui, encore beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui, je parlerai de Google Cloud comme le proverbial éternel troisième. Tu vois, je dirais, ah lui, c'est le Google Cloud de ceci, ou le Google Cloud de cela. Le Poulidor du nuage. C'est presque ça. Et oui, parce que malgré ses efforts, voilà, il est quand même toujours derrière AWS et Azure. Donc Google Cloud ne rapporte apparemment pas assez pour que les ingénieurs aient un bureau chacun à eux. Donc ils vont devoir partager les bureaux et ils vont plus avoir de station de travail personnelle non plus. Ils vont repasser au client léger avec un bureau à distance Cloud Top. Donc moins sympa d'ailleurs pour se faire une petite partie de League of Legends pendant les pauses, sans doute, c'est fort dommage. Donc on espère que tout ça va s'améliorer avec l'afflux massif, hein, sans doute, de nouveaux abonnés YouTube Premium qui vont probablement se jeter sur la nouvelle qualité HD 1080. Qui va faire son apparition bientôt. Alors, il n'y a aucun changement de résolution, ce sera toujours du 1080, mais apparemment, il y aura un changement de débit assez important qui passe de 8 à 13 mégabits par seconde pour les abonnés premium. Donc, ça va faire une belle différence probablement, parce qu'évidemment, le débit est important, au moins la vidéo est compressée et au moins l'image aura d'artefacts et de gros carrés dégueulasses. Donc, le Enhanced Bitrate va-t-il faire la différence? Tu vois, est-ce que c'est un signe avant-coureur d'une 4K payante ou d'une 4K de qualité payante? Je sais pas. J'ai deux questions. Est-ce qu'on voit vraiment la différence avec cette différence de qualité? Ok. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les contenus qui sont actuellement mis à disposition sont compatibles avec ce nouveau débit? Oui, ou alors ils vont l'être très rapidement, puisque c'est un très... Oui, bon, mais ça, c'est pas très très difficile en fait. Non, je pense que ça va aller. Ok. Ça va aller. C'est comme la 4K, hein, ceux qu'ils ont exploré de rendre la 4K payante. C'est extrêmement impopulaire, mais malgré tout, c'est pourtant très logique en réalité, parce que ça leur coûte quand même très cher en termes de bande passante, en termes de stockage et en termes de calcul, hein, pour tous les transcodages. Ça leur coûte quand même très cher la 4K, et finalement la rendre payante à travers YouTube Premium, moi je trouvais ça très logique, mais il y a eu une espèce d'énorme levée de bouclier. Je sais que c'est totalement impopulaire de dire ça, mais bon, ça paraît effectivement bon. Oh, moi, je fais partie des pigeons qui payent YouTube Premium parce que je ne supporte plus du tout d'avoir de et la pub sur des contenus que je regarde. Bon 1080. Ouah ! On sera deux à roucouler, hein, parce que je paye aussi et je suis fier de le faire pour le coup. Hein, J'allais te poser la question. C'est vrai que moi, les approches par la pub sont devenues tellement invivables, tellement insupportables. Ouais, c'est vrai, c'est devenu terrible. Que, bon. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité que YouTube nous propose quand même un abonnement à poil moins cher et la partie familiale qui est vite beaucoup plus rentable que la partie c'est individuelle. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai moi. J'ai la partie familiale avec le YouTube Music du coup, et franchement, ça reste franchement rentable. Hein. Alors après, moi, la difficulté que j'ai, c'est que j'ai le sentiment déjà de passer trop de temps sur YouTube. Et quelque part, il y a cet inconscient qui vise à me dire « Mais en plus, tu payes, tu vas pas quand même moins consommer YouTube enfin. !» Ouais, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'au final, une fois que t'enlèves toute la pub de YouTube, tu passes pas moins de temps, tu vois ? Peut-être, ouais, c'est possible, effectivement. Ouais, non, mais c'est une très bonne analyse, effectivement. Et bon, j'ai aussi le souci de me dire que j'essaye de regarder des contenus intelligents. J'ai bien dit, j'essaye. Mais est-ce je pense que tu passes trop de temps sur YouTube ? Mais tu sais que je viens de changer l'ordre des sujets subrepticement pour... J'ai même pas fait gaffe, oui, en plus. J'étais tellement plongé dans notre échange. Tu vas continuer à nous parler des plateformes payantes de avec contenu. Avec Netflix, mais oui, parce que... C'est beau. Oui, parce qu'en fait... Oh, cet ajustement du conducteur. Il y a un petit changement chez Netflix. Bon, Netflix veut déjà plus de sous. Ça, forcément, Netflix veut plus de sous. Et pour ça, il va baisser ses tarifs. Et oui. Alors, pas pour vous, malheureusement, pas en France ni aux États-Unis, mais plutôt dans les pays à plus faible revenu et où sa pénétration n'est pas encore très importante. Donc les baisses pourraient être quand même assez fortes, hein, jusqu'à 50%, dans l'espoir d'attirer des masses de nouveaux abonnés dans des territoires comme le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, peut-être en Europe de l'Est, donc la liste des pays n'est pas précisée. Netflix a encore de la marge au niveau mondial, et ça c'est aussi illustré par les chiffres américains du temps passé respectivement devant la télé, devant la vidéo en ligne. Donc tu te demandes, tu vois, Guillaume, est-ce que tu passes trop de temps devant YouTube, la réponse est oui, mais on veut savoir à quel point maintenant. Donc apparemment, 2022 a été le point de bascule où les Américains passeront plus de temps devant la vidéo sur Internet que devant la télé. Donc autour de 3 heures quotidiennement pour chacun. La tendance semble inexorable. En 2023 et en 2024, la vidéo en ligne continuera de gagner du terrain. Et on note finalement que le temps total passé à regarder des vidéos a aussi un peu augmenté depuis 2019. Il est passé de 5h24 à 5h54. Donc ça veut dire que quand même, les Américains passent 6 heures quotidiennement à regarder des vidéos. Allez, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est une moyenne. Voilà, donc tu regardes peut-être trop de vidéos YouTube, mais t'as peut-être encore de la marge, je sais pas. Bah, je suis très étonné que la bascule n'ait lieu que maintenant, parce que j'ai vraiment pas l'impression que la consommation de télé traditionnelle soit quelque chose qui reste massif et encore moins dans les foyers américains, mais comme quoi c'est on peut relativiser du coup. Bah, c'est dommage que Salto soit décédé, parce que c'est le sens de l'histoire apparemment. Oui. Effectivement. Il me semble avoir lu aussi une chose similaire pour Apple TV+, non ? Ils avaient prévu justement de baisser les tarifs éventuellement avec une offre publicitaire, non ? Oui. Alors, mais d'ailleurs, Netflix aussi fait ce genre d'offre. Ils sponsorisent par la pub pour essayer d'avoir un ticket d'entrée plus faible et attirer plus de gens, oui, tout à fait. Ah, il me semble qu'Apple TV+, c'est pas encore dispo. Non, je crois pas. Et dans le cas de Netflix, non seulement c'est dispo, mais je crois savoir que ça a un certain succès, notamment en France. Peut-être pas partout dans le monde, mais les chiffres étaient plutôt bons en France. Tu distribues les bons points, j'ai l'impression, Guillaume, avec en particulier Slack déjà. Oui, en particulier avec Slack, mais parce que évidemment, comme j'ai changé l'ordre, maintenant je suis perdu. J'essaie de suivre, forcément. Et oui, bien sûr. Non, mais alors oui, donc là, c'est Slack, c'est surtout la section BTS. Voilà, la section des bourres de Twitter de la semaine. Donc il faudra un jingle. Ah, j'avais pas compris, très bien. Mais oui, il faudra un jingle. Donc cette semaine, effectivement, le Slack de Twitter ne marche plus. Alors ok, dit comme ça, on dirait que c'est un petit peu anodin, on dirait qu'on n'a pas trop des masses de news intéressantes cette semaine, nous autres, Tech Café, qu'on fait avec ce qu'on a. En fait, c'est pas si anodin, on sait pas pourquoi, déjà, pourquoi ça marche plus, Slack, et on sait pas non plus si c'est définitif, mais ça l'est sans doute, parce que bon, Slack, il faut le payer. C'est pas un truc qui dépend beaucoup des ingénieurs, quand même, c'est un service que tu non, payes, voilà. Non, mais donc, justement, il faut le payer, et Twitter le paye plus, parce que Twitter paye plus rien, donc bon, voilà, à déjà, part son loyer. C'est un gros souci, et puis, donc, c'est aussi possible qu'ils veuillent passer au système utilisé chez Tesla, qui est pas Slack, c'est un truc interne, mais quelque part, la chute de Slack à Twitter, c'était une sorte de goutte d'eau pour plein d'employés qui ont carrément arrêté de bosser et sont partis en balade. Mais il y a pire que ça. En fait, sur Slack, il y avait un historique des discussions. Normalement, c'est pas reset tous les 24 heures. Et donc, dans cet historique des questions-réponses, il y avait des questions-réponses avec des gens qui ne sont plus là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis quand même. Donc, il y a beaucoup de questions et de réponses qui étaient conservées. Et donc, des connaissances de gens qui sont partis qui étaient conservées dans le Slack. Et donc, même si tu savais pas un truc, tu pouvais à la limite demander à Slack, en quelque sorte. Et là, on ne peut plus. Donc, c'est un ensemble de connaissances utiles qui servaient un peu de béquille aux employés qui restent et qui viennent de disparaître et qui pourraient ne pas revenir. Donc, c'est pas la joie. Et en attendant, Elon continue de virer des gens, même alors qu'il avait promis de ne pas le faire. Hein. Après le plan de licenciement massif, il avait dit « bon, c'est fini, c'est juré ». Sauf qu'apparemment, il y a encore 200 employés qui auraient été virés récemment, ce qui porte, selon le New York Times, les effectifs de Twitter à moins de 2000 employés. Bon, le département d'accessibilité a été décimé, et même le département de paye a été décimé, ils sont passés de 30 à 8 personnes. Donc il se pourrait que les personnes virées, d'ailleurs, soient celles qui ont dit non à Musk. Par exemple, le manager en charge de la monétisation, hein, qui a dit « non, une semaine pour complètement refondre le système de purge sur Twitter, ça me fait court ». Ben là, il est dehors, hein, il est parti. Bon. Parce qu'Elon, il est persuadé qu'il faut changer les critères pour montrer les pubs et faire comme c'est Google, vrai, en fait, en ciblant plus sur les mots-clés dans les recherches. Sauf que Twitter n'est pas un moteur de recherche, donc bon courage à tous et à toutes. Hein. Pendant ce temps, les propagandistes russes sont très contents d'avoir leur badge bleu, il n'y a pas de souci, mais bon, tout le monde s'en fout. Bon, soyons justes, Elon semble avoir conscience que c'est une période quand même un petit peu difficile pour les employés et leur promet très bientôt un gros bonus sous forme d'un gros paquet d'actions. Donc si tu es extrêmement hardcore, eh ben, écoute, tu seras récompensé avec un gros paquet d'actions. Action qui se porte pas si mal par ailleurs, de toute façon Wall Street est toujours content quand ça dégraisse. Les actions de quoi du coup ? Les actions de Twitter. Mais il est plus en bourse ? Bah si, il est toujours en bourse. D'accord, ok, j'avais absolument rien suivi au dispositif, je pensais qu'il avait été retiré de la bourse. Non, je crois qu'il est toujours en bourse, non, ça me semble bien. Très bien. On fera une actualisation. Je vérifie en même temps. Continue à parler, je vérifie. Sinon, abonnez-vous à Tech Café, vous aurez la réponse dans le prochain épisode. Bon, c'est pas joli. On continue, Guillaume, et on clôt un peu cette rubrique GAFNAB d'ailleurs. Oui, petite news méta qui fait son gros méta en testant une nouvelle fonction qui s'appelle Roll Call. Un Roll Call, c'est une photo, une petite vidéo prise donc à la fois par les caméras dorsales et frontales du téléphone et envoyé vers les membres d'un groupe privé. Donc on te voit toi, et donc on voit ce que tu es en train de faire. Mais il y a une subtilité, le principe c'est que quand quelqu'un fait un roll call dans un groupe, tous les autres doivent eux-mêmes faire des roll calls dans les 5 minutes pour pouvoir le voir. Si ça vous rappelle un truc, c'est que c'est une adaptation pas très loin de ce que fait Biril, hein. Voilà, c'est ce qui pourrait donc, ce truc pour arriver sur Messenger en C4, donc il aurait son Biril. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais pensé que BeReal pourrait devenir super mainstream et devenir en concurrence sérieux à Facebook, d'ailleurs jamais, mais il semblerait que Meta le trouve quand même suffisamment menaçant pour copier ses fonctions. C'est cool, une routine pour Meta de copier les fonctions de ses concurrents, parce qu'il y a eu les stories, il y a eu les reels, il y a eu le badge bleu tout dernièrement, et puis maintenant, il y a les roll call. Bon, c'est assez logique, après ils copient, puis si ça marche, tant mieux, sinon, est-ce que ça lui coûterait de façon pas plus cher de ne pas essayer ? Je suis pas le mieux placé pour juger de la qualité d'exécution des clones de ses concurrents, perso. Mais bon, je suis pas ni étonné ni choqué, en fait, que Meta copie tout azimut. Hein. Ça me paraît parfaitement logique. Donc, il y a un article de Inc. qui trouve ça, enfin, qui pense que ça veut dire que Meta est complètement perdu, et voilà, c'est un symptôme de déliquescence. En réalité, pour moi, c'est juste du pragmatisme, et de toute façon, Meta essaie de faire du pognon par tous les moyens, et d'évoluer aussi au fur et à mesure. Moi, ça me choque absolument pas. Après, bon, est-ce que les roll calls auront du succès ? C'est à toi de me dire, Guillaume. Oh, je me permettrai pas de me prononcer sur le sujet, mais en tout cas, ce qui était sûr, c'est que ça, si ça pouvait bien vivre, ce serait plus une fonctionnalité qu'un réseau social en soi. Donc, pourquoi pas? Après, ce qui est un peu embêtant côté Meta, c'est quand même qu'il n'y ait pas plus de propositions différentes, en fait. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est quand tu peux innover en proposant des choses différentes et pas forcément des choses que les autres ont pour les récupérer chez toi. On verra si ça marche, et c'est l'occasion quand même de te poser la question, Steph, pour qu'on commence un petit peu, en savoir un petit peu plus sur toi, épisode après épisode, on va y arriver. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, quelle consommation et usage tu en fais justement toi, à titre perso ? Alors ça va être très rapide, le seul réseau social que j'utilise, c'est WhatsApp avec ma famille, voilà. Ok, donc tu es Guillaume Poggiaspalaesque, pas sur les mêmes apps, mais sur les mêmes approches. Très voilà. Bien. Et Discord, on peut te retrouver Discord, exactement, ouais. Excellent, merci beaucoup Guillaume. On continue un petit peu avec des sujets qu'on avait oubliés, Guillaume. Moi, c'est quoi au fait? On va parler des NFT. C'est quoi, Guillaume? Je me rappelle plus bien. Ouais, bon, on fait un petit tunnel crypto, effectivement. On va commencer avec SBF, Sam Bankman-Fried, l'ex-patron de l'ex-bourse FTX, hein, qui est accusé aussi de conspiration. Alors, rien à voir avec les reptiliens, puisque je suis sûr que SBF leur a fait des donations aussi, il n'y a pas de problème. C'est plutôt qu'il aurait eu recours à des hommes de paille pour pouvoir donner plus d'argent à des partis politiques que la limite légale ne lui autorise. Donc, il avait même un groupe Signal dédié, où il indiquait à ses employés de voilà, donner tel montant à telle personne. Un groupe qui s'appelait d'ailleurs Donation Processing, donc c'était un business comme un autre. Il donnait absolument à tout le monde pour se mettre absolument tout le monde dans la poche. En gros, les fonds d'investissement, enfin, le fonds provenait donc du fonds d'investissement Alameda. Et donc, on le sait, directement de la poche des clients de FTX. Pas mal de gens ont d'ailleurs rendu l'argent qu'ils avaient reçu de Sam, déjà accusé par ailleurs de fraude financière. Bon, mais maintenant, il rajoute un volet politique à ses problèmes. Vivement le film sur Netflix, hein, moi je vois bien Vin Diesel dans le rôle principal avec une grosse perruque. Bon, parlons un peu des NFT qui vont, ça y est, permettre de rendre éternels des vestiges historiques, hein, ceux du Titanic. Parce qu'en fait, je l'ignorais, tu vois, mais il existe une entreprise qui s'appelle RMS Titanic Inc. Qui s'occupe de récupérer périodiquement des trucs sur l'épave du paquebot, le paquebot le plus submersible de l'histoire des paquebots. Donc elle en a des milliers déjà, hein, qu'elle les expose et elle les vend. Elle a même eu une grosse expo dans un casino, le Luxor. Donc c'est un peu glauque, oui, parce que quand même le Titanic c'est aussi 1500 cadavres, hein, faut pas l'oublier. Et ben RMS machin veut mettre toute cette belle glauquitude sur la blockchain en mintant 5500 NFT associés à des objets divers récupérés sur la carcasse. Et c'est pas fini parce que la boîte a gagné contre l'UNESCO qui interdisait à quiconque de découper des morceaux de l'épave. Donc apparemment le télégraphe Marconi du Titanic peut donc être découpé et récupéré avec sans doute plein d'autres morceaux et ça fera aussi sûrement plein de super NFT. Bon, je pensais pas qu'un jour dans ma vie je parlerais simultanément de NFT et de l'épave du Titanic, comme quoi tu vois tout est possible, il faut croire en ses rêves, c'est ça qui est beau. Mais bon, un peu plus sérieusement à propos des NFT, Spotify continue d'explorer leur usage en testant la possibilité de débloquer des playlists spéciales avec des jetons. Concrètement, donc, tu lis un wallet, comme MetaMask par exemple, et il permettra de vérifier donc, que le NFT, enfin, que tu possèdes le NFT, ça débloquera dans l'appli des playlists exclusives. Alors bon, utiliser des NFT comme titre de propriété, c'est un usage potentiel vieux comme les NFT. Là, honnêtement, même si c'est un pas dans cette direction, il semblerait qu'il parle uniquement de playlists et pas de musique exclusive. Alors, ouais. Soit j'ai mal compris, soit l'intérêt de la fonction est soudainement beaucoup moins important, parce que débloquer la playlist Kingship avec le NFT Kingship, ok, mais c'est gratuit un NFT? Non, je pense pas, ça n'existe pas les NFT gratuits. Donc maintenant on a des playlists payantes, c'est ça l'innovation, donc on a des playlists payantes. Détail amusant, c'est dispo que dans certains pays. Donc voilà, c'est blockchain, c'est décentralisé, c'est universel, mais c'est qu'aux États-Unis. Bon, c'est assez cocasse. Donc je comprends mal l'intérêt, comme je comprends mal l'intérêt de payer 1,6 million de dollars pour le NFT de Dookie Dash. Dookie Dash, ce fameux jeu là, avec le singe dans le tuyau. Le jeu qui est rigolo, probablement 5 minutes, mais bon, enfin, tout ce qu'il y a autour, tout ce qui mousse autour me dépasse un petit peu. Écoute, certains s'échinent encore à vendre du NFT par tous les moyens, et pour le moment, ça continue d'avoir un intérêt proche de zéro, et c'est même dommage, finalement. Hein. Est-ce qu'un jour, ça va réussir à émerger sur des trucs un peu... un peu cohérents, quoi, je sais pas. Il faudrait arriver à les identifier et à les proposer, pourquoi pas. Mais c'est bel et bien des playlists, hein, vous avez bien compris, c'est pas des morceaux de musique exclusifs, c'est bien des playlists, donc effectivement, cette propriété dont vous pouvez être fier... propriété d'avoir une playlist. On va conclure cette rubrique Guillaume NFT avec quelque chose qui va nous emmener doucement vers un domaine médical. Tiens donc. Oui, je disais dans l'hebdo, on est officiellement dans le monde cyberpunk. En l'occurrence, on parlait des d'IA qui écrivent des romans. Bon, déjà, c'était pas mal. Mais là, ça n'a rien à voir avec les IA. Mais enfin, jugez plutôt. Bon. Sur un blog Web3, il y avait une pub qui encourageait à se procurer un NFT pour s'inscrire à des tests cliniques de thérapie génique à Prospera. Prospera qui est une crypto-ville dans une zone du Honduras qui est gérée par des entités privées. Est-ce que c'est pas cyberpunk as fuck? Je veux dire, on a tout, on a des NFT pour s'identifier, des thérapies géniques expérimentales, des méga corpos qui gèrent une zone entière à la place du gouvernement. Parce que Prospera, ça se situe dans une enclave libertarienne où les business créent leur propre micronation, où le bitcoin est une monnaie légale. Parmi les investisseurs, on a donc Peter Thiel, on a Mark Anderson et un groupe international de libertariens. Donc, et encore, je vous ai pas dit que la boîte qui organise tout ça, c'est Mini Circle, qui a une philosophie de biohacker. Qu'est-ce qui est plus cyberpunk que ça, biohacker, franchement? Et c'est pour demain, enfin c'est pour bientôt. Parce que bon, si la plupart des gros labos font de la recherche sur la thérapie, voilà, contre des grosses maladies ou des maladies rares, Minicircle, lui, veut créer des remèdes à des maladies que tout le monde a, y compris le vieillissement, voilà, qui apparemment on considère comme une maladie. Le CEO de Minicircle s'appelle Machiavelli Davis, le mec s'appelle Machiavel, c'est véridique, ça s'invente pas, je veux dire, c'est magnifique. Et il est explicite sur le fait qu'il cherche à atteindre l'immortalité, hein, qu'on a déjà d'ailleurs quelques clés pour y arriver, mais que si on se débarrasse pas des boulets réglementaires, on n'est pas prêt de l'atteindre. Et donc c'est pour ça que Minicircle, il est à Prospera. Bon, c'est aussi parce que c'est moins cher, mais enfin bon, je veux dire, si vraiment il avait un traitement crédible contre le vieillissement, je pense qu'il n'aurait pas de mal à lever des fonds. Mais bon, donc Prospera est aussi plus cool en la matière, je veux dire, officiellement la ville a une charte, bien sûr, et tout ça. Parfait, enfin, elle est très business friendly. Et Machiavel, il n'est pas là-bas par hasard, c'est un radical, voilà Machiavel, puisqu'il vient de chez Ascendance Biomedical, où c'est une tradition de s'injecter soi-même ces traitements expérimentaux, apparemment. Donc, Davis rêve d'un futur où on pourrait se faire des thérapies géniques à la maison, et le fait que Peter Thiel, par exemple, ait déjà largement dépensé sa fortune dans des recherches des traitements anti-vieillissement n'est pas un hasard non plus. Il a investi dans Minicircle, comme Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI. Tout est connecté. Donc, dans le détail, je ne sais pas à quel point ce que fait Minicircle est crédible, hein, apparemment, ils sont les champions de la folie statine, et aussi d'une forme de thérapie génique réversible, qui n'utilise pas de virus. Bon, apparemment, ils veulent, dans ce cas, empêcher l'inhibition de la croissance musculaire, voilà, donc ça a l'air de marcher sur des rats, hein. Donc ils ont des gros rats sclémus, tu vois, avec voilà, des gros os, ils ont moins de gras aussi, donc ils sont en meilleure santé, puis ils vivent plus vieux aussi. Donc on est content pour eux, on est content pour les rats, hein, et puis bon, on va savoir, peut-être que ça marcherait sur les humains aussi, je sais pas. Alors, c'est même pour le savoir d'ailleurs que des pauvres gars vont se prendre un NFT, l'avion et des piqûres dans le fion pour voilà, passer quelques semaines à Prospera avec ce traitement. Le tableau qui se dessine globalement, c'est quand même celui de milliardaires qui financent des expériences limites dans des zones franches pour trouver un traitement contre le vieillissement. Ça, si c'est pas cyberpunk à fond, quoi, c'est incroyable. Je veux dire, on est dans Cyberpunk 2023, quoi. C'est presque aussi palpitant, mais j'espère qu'il y aura un petit peu moins de fusillade. On pourrait demander à des algorithmes d'intelligence artificielle générative de nous donner les ingrédients pour un bon cocktail de roman cyberpunk. Et je pense qu'ils pourraient nous donner des éléments assez proches de ceux-ci. Ils seraient tout à fait crédibles. Justement, on va aborder une rubrique santé. Alors, je vais être transparent avec nos auditeurs. D'une part, j'ai tendance quand même à faire une veille hebdomadaire autour de la tech. Et puis, je recoupe un petit peu sur le conducteur de Guillaume. Donc, c'est assez pratique pour moi parce que je recoupe des sujets que j'ai vu passer, qui sont approfondis, ou je redécouvre des choses. Donc, c'est chouette. Manque de temps, j'ai absolument pas pu préparer le supplément de cette semaine, donc je découvre vraiment les sujets au fur et à mesure. Et en plus, j'ai une difficulté supplémentaire pour cet épisode, parce que je sais que Steph est intervenu aussi, de par sa maîtrise du domaine de la santé. Alors, messieurs, vous allez pouvoir me dérouler une jolie chronique autour, justement, de la santé. Je crois que c'est toi, Guillaume, qui commence par prendre la parole avec le big data pour les tests cliniques. Oui, le domaine de la santé, c'est pas celui des IA, donc le temps qui peut s'écouler entre la mise au point d'un médoc et sa disponibilité en pharmacie, ça peut être 15 ans. 15 ans, c'est une éternité. Je veux dire, dans le domaine de la tech, c'est monstrueux. Bon, peut-être qu'à Prospera, c'est moins, peut-être que c'est 15 jours, je sais pas. Mais bon, voilà, la question se pose quand même, pourquoi c'est si long? Est-ce qu'on pourrait pas accélérer quand même un peu le processus? Alors déjà, faut pas faire que critiquer la longueur des process, hein, parce que c'est aussi parce que les labos sont ultra prudents, que ça prend autant de temps, ils ont des montagnes de données analysées minutieusement, il y a l'assurance qualité de tous les côtés pour vérifier que tout se fait dans les clous, conforme aux normes, et c'est bien, en fait, hein, c'est pas parfait. Mais bon, dans l'immense majorité des cas, les médocs font ce qu'ils doivent faire avec les effets secondaires auxquels on s'attend de voir, dans les proportions qu'on s'attend de voir, etc. Tout est sous contrôle et merci pour ça, parce que j'apprécie vraiment qu'on ne mette pas ma santé ou ma vie en danger en voulant aller trop vite, ça c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Voilà, donc d'après le boss qualité chez Roche, le processus n'a pas trop changé depuis 25 ans, et ça fait quand même un petit moment, et le nombre d'essais cliniques a augmenté, et le processus du coup complet devient de plus en plus lourd. Et donc, il affirme que le big data pourrait utiliser des algos sophistiqués de data mining et d'IA, hein, pour accélérer les processus. Donc, sur le modèle qui se fait dans d'autres secteurs, comment on finance, il dit. Et là, j'ai peur, parce que bon, la finance, c'est quand même pas le dernier secteur à faire des grosses conneries. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple. Plus de tech, quand même, pourrait aider dans les audits des sites où on fait les tests. Il y a des milliers, apparemment, de sites chez Roche, par exemple. En permanence, il y a des milliers de tests cliniques qui sont en cours dans le monde entier. Et donc, les auditeurs qui font des audits se baladent en permanence et pondent des milliers de pages de rapports et de formulaires, hein, donc il serait fort agréable d'automatiser au moins une partie de l'analyse. Et d'autre part, le Covid, en plus, a obligé à faire des audits à distance, et en fait aussi, du coup, rendu compte que c'était possible, tout simplement. Et donc, ce serait évidemment plus rapide, moins cher et plus écologique, hein, donc on y est, peut-être, de généraliser un petit peu ça. Et puis, il y a aussi les problèmes de planning, parce qu'il y a des milliers de tests qui doivent être faits, c'est complexe, et en plus, il y a régulièrement des inspections des autorités compétentes pour vérifier que tout se passe bien. Donc, parfois, il y a un problème qui est découvert, mais après les tests et avant la mise sur le marché, donc ça oblige à tout reprendre à zéro. Donc, mieux organiser les plannings, ça économiserait pas mal de temps, et ça peut clairement s'optimiser avec des logiciels, ces trucs-là. Hein. Donc il y a des labos comme Pfizer, Sanofi, Roche et 10 autres hein, qui ont mis en place le groupe Impala pour étudier cette affaire et chercher des solutions. Alors, Impala, c'est pour Intercompany Quality Analytics. Et bon, je sais, ça fait ICA. Ça fait IQA, normalement. Donc j'ai pas compris. Mais en fait, il faut prendre le I de Inter, le MP de Company, le AL de Quality et le A de Analytics. C'est Jean-Michel acronyme, il prend ce qu'il arrange, quoi. Ça, c'est clairement la médaille d'or de l'acronyme le plus capillotracté de l'année. Félicitations à Scotus, c'est battu à Blatt Couture. Vraiment, c'est bravo les gars, c'est chapeau. Donc, Impala va développer carrément des produits, hein, gestionnaire d'agenda et un package pour R, donc qui est un truc comme MATLAB, mais orienté statistique pour analyser un petit peu les sources. Donc honnêtement, je ne sais pas de combien pour raccourcir les délais, mais bon, évidemment, si on peut avoir de nouveaux médicaments plus vite sans compromettre la sécurité, évidemment, je suis pour. Steph, tu confirmes un peu hein, cette différence qu'il y a? Bah, je vais en profiter pour faire une belle transition. En fait, depuis le 31 janvier 2023, toutes les demandes initiales d'essais cliniques dans l'Union européenne seront soumises via un portail unique qui s'appelle le CTIS. Donc, c'est un point d'entrée centralisé qui permet de simplifier toutes les procédures pour les promoteurs, mais également pour les régulateurs. Mais tout en préservant un maximum de transparence pour les patients et les professionnels de santé. Donc ça c'est un communiqué de presse pardon qui a été établi par l'agence européenne du médicament. Mais c'est extrêmement intéressant parce que je me rends compte que si on facilite beaucoup le déploiement des essais cliniques et qu'en plus on utilise le big data pour ça, il y a quand même des chances de penser que on va quand même accélérer fortement la recherche. Au moins en Europe, quoi. Et peut-être, je ne sais pas, essayer de mieux centraliser l'intelligence liée à ces tests. Est-ce qu'il y a plus de facilité de recouper, j'imagine, quand tu centralises tout ça via une seule et même interface, du coup. Ouais, ouais. Une belle avancée. Et du coup, ça, c'est strictement obligatoire. Et j'imagine que dans le process, si tu n'es pas passé par là, on te ressort et puis tu dois... Depuis cette date-là, effectivement, maintenant, c'est plus, tu ne peux plus passer état par état. Donc, tu es obligé de faire une demande centralisée. Donc encore une fois, pour l'Europe, ça va constituer un avantage, à mon sens, compétitif par rapport au reste du monde. D'ailleurs, j'en profite, retransition. Il y a la première démarche de labellisation pour la conformité en garantie humaine de l'intelligence artificielle en santé qui a été lancée le 1er février à Paris Santé Campus entre la PHP et Etiquia. Alors, le principe de garantie santé, ça a été déjà introduit dans la loi de bioéthique de 2021 et ça sera surtout au cœur du futur projet de règlement européen sur l'IA qui sera finalisé au fin du premier semestre 2023, si je ne dis pas de bêtises, et qui devrait entrer en vigueur à partir de 2025. Donc, l'IA Act, il aura à peu près la même opposabilité juridique et le même niveau de sanctions financières que le RGPD quand même. Donc, le principe de garantie humaine, ça assure en fait le développement éthique des intelligences artificielles en santé en établissant des points de supervision humaine tout au long de leur évolution. En particulier, il y a 11 écosystèmes pilotes de garantie humaine qui ont été construits dans des domaines très variés tels que la pharmacovigilance jusqu'à la santé bucco-dentaire. Donc, ce qui est quand même rassurant, c'est de constater que, alors certes, on avance sur l'IA, mais qu'il y a quand même, en tout cas en santé, de l'humain qui reste au centre des préoccupations et surtout de la qualité des soins qui sera apportée par rapport aux intelligences artificielles. Ce que je retiens, je m'adresse à tous les deux, hein, c'est qu'il y a une volonté d'une démarche qui soit relativement éthique, qui fasse preuve de transparence quand on bosse dans de l'IA pour de la santé. Est-ce que c'est viable d'avoir ces points de contrôle? Est-ce qu'ils sont intelligibles, compréhensibles et est-ce qu'ils ont bien une raison d'être? Ils font sens? Moi je dirais que c'est nécessaire de toute façon. Je veux dire, c'est pareil, il faut se poser la question de savoir s'ils font sens ou pas. Ils font sens et ils sont nécessaires. Et puis, okay. Après tout, je veux dire, l'Europe s'est déjà montrée en grand régulateur, hein, de la tech. Et ça fonctionne en réalité. Je veux dire, le RGPD est là. Oui, il n'est pas parfait. Il y a peut-être des trucs à retoucher, tout ça. Il y a une itération qui va arriver en matière de. Voilà, on a le DMA, le DSA. Bon, ben voilà, oui, ben, écoute, à un moment, on peut décider de faire des choses qui vont dans l'intérêt comme ça des citoyens. Et je pense que c'est nécessaire, surtout en santé. Enfin, moi, ça me paraît être. Très bien. Oui, non, en fait, t'as complètement raison. Moi, ce qui est quand même très important à constater là, c'est que on n'est pas dans une démarche de subir finalement quelque chose. On essaye de le programmer en amont d'éventuels problèmes. Et je trouve que pour une fois qu'on est un peu pionnier sur la question, hein, tu parlais du RGPD tout à l'heure aussi, les Américains nous l'envient, quoi. Donc là, j'imagine que si sur l'IA Act, on est aussi précurseur et pionnier à se poser justement des questions autour de l'éthique et de la santé en intelligence artificielle, ça pourrait être super intéressant de voir en fait les évolutions qui vont découler de tout ça. Alors évidemment, il y aura des loups, hein, comme toujours, mais au moins qu'on se soit projeté par anticipation sur d'éventuels problèmes et qu'on laisse vraiment l'humain au centre de toutes les préoccupations, pour moi, c'est quand même le signe qu'on va dans le bon sens. Ma question est évidemment probablement assez naïve. Au-delà, par exemple, d'un set de données qui sert à entraîner une intelligence artificielle, quel point de contrôle on peut raisonnablement mettre en place et qui permettrait de garantir une forme de transparence? C'est plus à ce niveau-là que je me pose la question, mais je me rends peut-être pas compte de ce que ça revêt, hein, derrière. Mais très bien, à contrôler et à suivre dans l'intention, c'est chouette. Et du coup, on va parler aussi un petit peu d'un nouveau rachat d'Amazon. Décidément, ils ont sorti encore une fois de plus le carnet de chèques. Amazon se lance sérieusement dans le secteur médical avec l'acquisition pour presque 4 milliards de dollars quand même de One Medical. Alors One Medical, c'est une boîte qui date de 2007 et qui offre en fait une sorte de pack complet, quoi. Offre de soins présentiels, distanciels, prise de rendez-vous, accès au dossier médical, et puis elle fait du B2B et du B2C, donc elle a déjà 8000 entreprises parmi ses clients. Et Amazon n'est pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà racheté une boîte de télémédecine qui s'appelait Health Navigator et qui lui a permis donc de lancer Amazon Care, et il a aussi lancé sa pharmacie en ligne puisqu'il a fait l'acquisition de PillPack, et puis il a aussi des projets de... Il y a aussi des investissements dans les objets connectés, puis ils proposent déjà Amazon Halo. Le Halo, c'est... je sais pas si vous avez... Enfin, je sais pas exactement, je crois que ça se vend en France aussi, mais bon, j'ai jamais vraiment vu, mais c'est un rien bracelet... Rien à voir avec le jeu vidéo. Rien à voir avec le jeu vidéo Halo, hein. C'est un bracelet un petit peu bizarre, sans écran, qui suit les mouvements, le sommeil, mais aussi la voix. Apparemment, ça enregistre ta voix. Il y a même une appli qui permet de faire ce qu'ils appellent le scan 3D du corps avec l'appareil photo pour suivre la masse graisseuse et la santé générale. Un truc assez atypique qui n'est pas de l'aveu même d'Amazon, un dispositif médical. C'est plus un truc bien-être. Mais bon, avec One Medical, évidemment, ils vont pouvoir surbooster probablement Amazon Care. Donc, il va renforcer pas mal son positionnement sur la santé. Tout ça n'existera sans doute pas en France, ni même en Europe avant un bon moment. Je pense qu'il y a beaucoup trop de garde-fous de régulation avec lesquels ça coince. Ça, déjà, il est impensable d'acheter des médocs, évidemment, sur Amazon ici. Mais bon, Amazon propose aussi une infrastructure cloud, hein, au service de santé, puisqu'il y a un truc qui s'appelle Health Lake, apparemment. Et donc, peut-être que s'il ne peut pas s'attaquer directement au marché, il pourra toujours essayer d'être l'infrastructure de ce marché, donc à voir. Alors, moi, ce que ça m'évoque là, quand même, alors évidemment, j'avais vu passer la news, hein, bien évidemment, mais pour moi, la santé et l'accessibilité aux soins, on le constate bien là, ces derniers temps, en particulier en France, c'est quand même un enjeu majeur et on constate que c'est également un enjeu majeur dans le monde. Donc pour moi, ce n'est pas très étonnant de voir les GAFAM s'y intéresser parce que forcément, là où il y a un besoin, ils s'y engouffrent pour pouvoir dégager éventuellement du bénéfice. Par contre, moi, ça questionne surtout sur la souveraineté de l'État, sur des points aussi fondamentaux que l'accès aux soins, en fait, ou le rôle des acteurs privés sur ces questions. Alors en France pour l'instant c'est évidemment pas le cas, mais quid si un jour Amazon rachète l'équivalent de One Medical? Alors, ça n'existe pas, mais imaginons que Amazon rachète Doctolib. Est-ce que c'est pas gênant à terme qu'on ait un certain nombre de données qui soient partagées avec des sociétés de la big tech et qui soient pas françaises? Bah justement, tu vois, c'est là que le RGPD ça va protéger, je pense, non? Parce que admettons que Amazon rachète Doctolib. Est-ce qu'ils peuvent utiliser donc les données de Doctolib pour, évidemment, pour te pousser des produits sur Amazon? A priori, théoriquement non, parce que théoriquement. Après, ils sont pas censés le faire avec les données qui sont purement médicales, puisqu'elles sont encryptées, etc. Donc j'imagine qu'ils n'y ont pas forcément plus accès que n'importe qui d'autre. Mais au travers de signaux un peu faibles, et comme ils ont des capacités de calcul bien supérieures à ce que n'importe quelle institution française pourrait faire, est-ce qu'ils sont pas en capacité de deviner certaines choses, tu vois, en faisant des recoupements? Je sais pas. En tout cas, ce qui m'inquiéterait, ça serait de se dire que du coup, c'est un peu un rachat de cette nature-là. Hein. Faut voir que One Medical, c'est quand même une grosse entité aux États-Unis qui autorise l'accès aux soins au travers de téléconsultations. Ils vous trouvent, je vous engage à aller sur le site internet pour aller voir un petit peu les propositions qu'ils font. Et en gros, leur proposition phare, c'est on vous trouve un médecin dans les 24 heures, quoi. J'ai envie de vous dire, actuellement en France, c'est un peu le sujet aussi. Donc si Amazon débarquait demain avec un peu la même proposition, est-ce que finalement, ils raflerait pas un marché absolument phénoménal? Mais encore une fois, alors moi je suis un éternel optimiste, hein, je vais considérer le fait que ça serait merveilleux d'autoriser l'accès aux soins à un maximum de personnes le plus rapidement possible. Après, si on voit le verre à moitié vide aussi, on peut considérer que quel intérêt ils y sont, c'est pas purement humain, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, vous pouvez aller sur onemedical.com et aux États-Unis, j'imagine évidemment, mais il y a une promo en ce moment, hein, comme ils ont racheté Amazon, la première année d'abonnement est à $144 au lieu de 199. Dépêchez-vous de profiter de la promo. Un sujet qui revient assez régulièrement dans les discussions autour de la santé et de la tech, et là, on aura besoin aussi, je pense, de ton éclairage, Steph, sur le potentiel et puis surtout la fiabilité qu'il peut y avoir derrière ces sujets-là. Mais c'est le service que pourrait rendre une future Apple Watch, Guillaume, pour les personnes qui sont victimes de diabète. Écoute, oui, Apple a un rêve, un monde sans aucun bouton. Ah non, pardon, je me trompe d'épisode. Tu l'as déjà désolé, dit, ça, c'est la chronique de la semaine dernière. C'est ça. Vrai, non, Apple a un rêve, une montre qui serait une sorte de tricorder, toi, comme dans Star Trek, un appareil qui détecte tout, qui diagnostique tout seul, tout le temps. Parce que comme ça, tout le monde en voudrait un, hein, voilà, qu'il soit cardiaque, insuffisant respiratoire, insomniaque ou diabétique. Ça serait un marché infini, un marché inépuisable. Alors pour le cœur, ils ont déjà quelque chose, mais pour la glycémie, ça semble plus compliqué. Et c'est dommage, parce que franchement, le pré-diabétique, c'est quand même un gros marché. En 2010, ils ont racheté Rare Light, qui est sur le coup depuis, hein, donc ils ont bien bossé sur leur détecteur. Au début, leur machin laser, donc ça fait un truc avec un capteur laser, c'était assez gros. Non invasif, du coup. Non invasif, absolument. C'était assez gros, ça devait être posé sur une table. Là, ils l'ont rétréci apparemment à la taille d'un iPhone, donc c'est déjà une belle réussite, mais c'est encore trop gros, évidemment trop gros pour qu'on le mette dans une montre, on se rapproche. Donc peut-être que d'ici 2 ans, ta montre pourra suivre ta glycémie en permanence et t'engueuler quand tu manges des chamallows à 23h. Le rêve, hein, le rêve de tout le monde. Enfin, ça, c'est si encore des Apple Watch, parce que Apple est en procès avec Alive Core pour un problème de brevet sur l'électrocardiogramme. On en avait parlé, hein. Apple risque une interdiction d'importation de ses montres qui sont fabriquées en Chine et qui donc disparaîtraient de fait du monde entier, sauf la Chine. Un gros risque, et apparemment, Joe Biden, à qui on a demandé son avis, a dit « C'est quoi une Apple Watch ?» Et on en a déduit qu'il ne mettra pas de veto, et donc voilà, une interdiction. Donc je déconne, mais effectivement, la procédure suit son cours et l'épée de Damoclès est toujours au-dessus du poignet d'Apple. Sachant que si AliveCore attaque sur l'électrocardiogramme, il y a aussi Massimo qui attaque sur l'oxymètre. Du coup, ça fait deux épées sur les deux poignets, ça pourrait faire mal. C'est costaud. Est-ce que c'est réaliste de s'imaginer avoir des glucomètres non invasifs aussi fiables dans d'aussi petites surfaces, Steph ? C'est difficile de répondre, hein, j'imagine, comme ça, brûle pour point, mais alors, c'est intéressant d'avoir un peu ton... Dans d'aussi petites surfaces, pour l'instant, ça me semble compliqué. Après, sur des surfaces plus grandes, on le fait en partie déjà, hein. Il y a des dispositifs comme ça... qui permettent, c'est très indirect, hein, ceux qui sont intéressés, je pourrais leur préciser un petit peu plus, mais on peut le faire via différents dispositifs qui existent. Je suis des patients qui le font. Moi, je trouve que c'est quand même... Ce qui est intéressant, là, c'est de voir un petit peu le shift des big tech autour de la e-santé. Pour moi, je pense que c'est l'Eldorado qu'ils sont en train de voir, parce qu'il ne faut pas oublier que la population... américaines sont quand même globalement en assez mauvaise santé. Il y a quand même beaucoup de personnes qui présentent des surpoids, des prédiabètes ou des diabètes. Et donc, du coup, développer des applications ou des devices qui permettent finalement d'être un peu le couteau suisse, en partie pour de la tech et de la santé, ça me semble être un avenir à peu près tout tracé pour les big tech. Et c'est bien, on voit bien pourquoi ils commencent à s'y intéresser. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais lu une interview de Tim Cook il y a quelques mois. Alors, je pourrais la retrouver, mais je me souviens plus exactement où je l'avais lu, où il précisait un petit peu sa vision d'entreprise sur le long terme. Et il y avait un truc qui m'avait plutôt marqué, c'est qu'il disait qu'il souhaitait qu'on se souvienne plus tard d'Apple comme une entreprise innovante en santé. Donc ça m'avait halluciné, en fait. Déjà, le shift était déjà commencé à être amorcé à cette époque-là, et je pense qu'ils vont placer leur bille au fur et à mesure. Oui, c'est clairement un mouvement qui s'oriente, et puis de toute façon, on ne va pas se mentir, il est beaucoup plus raisonnable de se dire aujourd'hui qu'on est amené à remplacer un appareil pour des raisons médicales aujourd'hui que parce qu'il fait des plus belles photos ou qu'il fait des plus belles vidéos. Ça, à mon avis, c'est un relais de renouvellement qui est bien plus convaincant, ça c'est sûr. On va mettre de côté notre santé et on va aborder notre ultime rubrique de cet épisode supplément de Tech Café avec Guillaume. Toujours plus de vulnérabilité. Vraiment, tu nous dépeins un avenir, une situation de notre existence pas très reluisante. Mais non, mais il y a toujours de l'espoir. Écoute, justement, en tout cas, selon Synopsis, c'est Synopsis, c'est pas moi, qui a rendu son rapport 2023 sur l'open source et le risque informatique. Et il est rempli de jolis graphiques, hein, qui montrent des trucs, bah, c'est intéressant quand même, ils ont scanné 1703 bases de code, et 96 contenaient de l'open source, 76% étaient d'ailleurs de l'open source purement, et 84% contenaient malheureusement au moins une vulnérabilité à haut risque pour 48%. Donc ça fait beaucoup, évidemment 48%, c'est donc une moitié de la base de code qui contient des vulnérabilités à haut risque. Par ailleurs, il y aurait des problèmes de licence d'ailleurs dans 54% des cas. Et il y a aussi un problème de suivi. 89% des bases de code contenaient du source vieux de plus de 4 ans et 91% du code qui n'était pas mis à jour depuis plus de 2 ans. Donc il y a aussi des chiffres secteur par secteur. Bon, en gros, tous les secteurs utilisent au moins des composants open source. Et dans 80% des cas, c'est à la louche, hein, c'est du pur open source. La tendance est d'ailleurs souvent en augmentation, même si ce n'est pas systématique. Et le pourcentage de code vulnérable par industrie, ne fait pas apparaître de tendance claire. Par contre, parfois c'est assez stable, parfois ça monte, comme pour le secteur d'énergie, parfois ça descend, comme pour le secteur du gaming. Par contre, plus inquiétant, les courbes des vulnérabilités à haut risque sont nettement plus orientées à la hausse dans la plupart des secteurs sur les cinq dernières années. D'ailleurs, c'est dans le commerce et la vente que c'est le plus flagrant. Et bon, enfin, les autres courbes qui montent, c'est le pourcentage de code qui contient donc des morceaux de programmes qui sont anciens ou pas beaucoup maintenus. On note donc une tendance à ne pas mettre à jour assez souvent aussi, potentiellement, donc un manque de suivi qui dénote un manque de moyens alloués à l'open source dans son ensemble, peut-être, surtout en regard de son importance quand même, qui est cruciale, hein, sur tous les secteurs d'activité, on le voit bien. Malheureusement, ça risque de ne pas s'arranger parce qu'en fait, c'est qui les codeurs open source, hein, qui sont ces programmeurs qui sont devenus aussi importants. Alors, je ne sais pas quelle image vous en avez, mais bon, il y a longtemps que ce n'est plus des bénévoles qui font ça à leurs heures perdues ou par pure passion dans leur, tu vois, dans leur salon ou leur chambre. Il en reste, bien sûr, Linux lui-même est né comme ça. Mais en volume, ce type de contributeur ne représente plus qu'une fraction des contributions au logiciel open source. Et si on regarde sur GitHub, en fait, on constate finalement que les plus gros contributeurs sont Amazon, Intel, Red Hat, Google et Microsoft. Et oui, Microsoft. Donc Microsoft, non seulement il est contributeur, mais c'est même le plus important au coude à coude avec Google. Ensuite, il y a Red Hat, Intel, Amazon et IBM. Alors que ce soit en nombre de projets ou en nombre de contributions brutes, hein, le tableau change peu. Sur les tendances, on note qu'Amazon est arrivé assez tard dans le game. Il est arrivé récemment, mais il s'est fait une place très vite dans le top 5 et il accélère. Donc les codeurs de l'open source sont majoritairement des employés de grosses boîtes qui sont payés pour ça, et d'ailleurs c'est très bien, hein, ils méritent évidemment d'être payés pour ce travail, c'est rien de le dire. Et franchement, je préfère le Microsoft moderne à celui de Steve Ballmer, hein, qui considérait Linux comme un cancer. Là où par contre les perspectives sont incertaines, c'est que ben, toutes ces grosses boîtes, hein, ça vous a pas échappé, sont en train de licencier à tour de bras. Ils licencient aussi des codeurs, ça on le voit bien d'ailleurs chez Google en l'occurrence. Et c'est absurde, parce que voilà, ben, autant pour l'open source que pour la guerre scientifique et technologique, hein, qui se livre, que se livrent un petit peu toutes les boîtes de toute façon sur le terrain des intelligences artificielles, c'est vraiment, vraiment étrange. Espérons que l'open source en souffre le moins possible, mais bon évidemment, ben, c'est pas très bien engagé. Je reviens sur le rapport de Synopsis, là, en conclusion, une recommandation, trust but verify, donc c'est en gros, faites confiance mais vérifiez, qui est évidemment un proverbe russe qui a été notamment repris par Ronald Reagan dans le cadre de la démilitarisation, de la dénucléarisation de la Russie. Ça peut nous prêter presque à sourire, toute proportion gardée. On continue avec cette rubrique, avec un angle très développement, parce que Steph, si je dis pas de bêtises, tu es allé passer à une convention autour de Python, justement. Ça a l'air d'être un peu ton bébé, hein. Bah oui, parce que du coup, en sciences de données, en data science, quand même Python et en langage d'IA, c'est quand même ce qui est largement utilisé. Alors, j'ai profité tout simplement d'un congrès médical sur place. C'était à Bordeaux pour me rendre une journée. À la PyCon, PyCon FR du coup. Alors, il y avait deux petites choses que je voulais un petit peu relayer parce que je pense que c'est important. La première, c'est qu'on constate que Rust est en train de faire son trou. Alors, Rust, c'est un langage de bas niveau. C'est, d'aucuns diront, un peu le successeur digne ou pas, je ne sais pas, mais de C. Et du coup, il est utilisé de plus en plus dans certains packages, donc dans certains modules qui sont utilisés par Python. Et on constate des améliorations très très significatives en termes de performance et de mémoire notamment. Donc ça c'était le premier point, parce que Rust c'est un peu la vedette en ce moment, c'est utilisé en plus dans le kernel Linux, je crois que ça a fait une apparition il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième, là pour le coup qui me semble vraiment pertinent d'évoquer, et peut-être je vais passer juste deux minutes pour expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit, c'est WebAssembly. Alors, je ne sais pas, Guillaume, tu en avais parlé lors de précédentes émissions ou pas du tout ? De WebAssembly ? En tout cas, pas récemment, donc vas-y. Oui. Pas récemment, d'accord, ok. Bon, alors, WebAssembly, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent abrégé en WASM. C'est une nouvelle norme du web qui date de 2019. Donc, très grossièrement, c'est une façon d'utiliser du code non JavaScript directement dans le navigateur en le compilant, ce qui lui permet finalement d'avoir des performances quasi natives. Donc, à noter que ce n'est absolument pas un langage de programmation, c'est ce qu'on appelle un bytecode. Donc, c'est un format intermédiaire qui est une cible de compilation pour d'autres langages. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un code source dans n'importe quel langage, en C, en C++, en Rust. On utilise une chaîne d'outils. Donc ça c'est pour les intimes, c'est une toolchain basée sur LLVM. Et ça va permettre de le compiler dans un fichier. Et ce fichier, on va le charger dans une page web comme n'importe quel module JS, JavaScript. Donc exemple concret, parce que là, on a l'impression que c'est du chinois, mais vous allez voir, de façon très concrète, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire littéralement tourner des jeux Unity dans le navigateur. Ça permet également de faire tourner, alors je le mettrai dans les notes de l'émission, littéralement le premier Diablo dans le navigateur, performance native. D'accord? Donc, je vous mets au défi de faire la différence entre ce que vous allez voir dans le navigateur et un logiciel de rétro gaming. C'est littéralement les mêmes performances. Donc, même si ça s'appelle WebAssembly, c'est absolument pas limité au web. On peut l'utiliser dans d'autres parties de l'informatique. En particulier, il y a Docker qui commence à s'y intéresser. Ça, je vous en reparlerai à une autre occasion, parce que Docker, c'est vraiment mon dada aussi. Donc ce qu'il y a d'assez intéressant là, c'est qu'on est en train de vivre une époque où finalement on pourrait envisager, et d'ailleurs c'était ça qui était évoqué lors de la PyCon, d'utiliser finalement le navigateur pour lancer du code Python directement dans le navigateur. Donc on peut lancer des moteurs 3D dans le navigateur, on peut lancer des jeux vidéo, alors en Python c'est pas optimal pour ça, mais on peut le faire. On peut lancer du PyScript, donc c'est un langage, en fait ça va permettre finalement de faire comme si on utilisait du Python nativement, directement dans le navigateur, et donc de faire des jolis graphes en sciences de données ou du machine learning, encore une fois, directement dans le navigateur. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'a semblé particulièrement intéressant à évoquer. Est-ce qu'éventuellement ça permettrait de distribuer des interfaces de réalité virtuelle peut-être aussi? Complètement. Ouais. Complètement. Ça permettrait de faire ça juste en le compilant et en s'échangeant de fichiers du coup. Ouais, je pense qu'il faut voir tout simplement ça comme une nouvelle VM. C'est-à-dire que c'est comme du Java, c'est comme Java. C'est-à-dire que c'est une machine virtuelle qui peut être utilisée comme, comme une machine. Au lieu de compiler, si tu veux, au lieu de compiler pour un processeur, tu compiles pour WebAssembly. Donc tu peux que tu compiles pour ton navigateur, effectivement, comme si tu compilais pour Java. Donc c'est vrai que c'est très large. Et c'est vrai que ça dépend. Les navigateurs sont plus facilement répandus que les machines virtuelles, du coup. Oui, bah c'est le navigateur devient une machine, en fait. Tu copies pour lui, quelque part. Et tu peux le lancer sur n'importe quoi qui a accès à un navigateur. Hein. Donc, sur ton smartphone, tu pourrais le faire, tu vois, avec des performances qui seraient très largement suffisantes pour les trois quarts des usages. Donc je pense que c'est le début d'une vraie révolution là, et c'est vraiment en train de, on le voit bien, enfin moi je suis un YouTube addict et il suffit de taper WebAssembly, il y en a un paquet quoi, il y en a vraiment un paquet de vidéos qui commencent à traiter du sujet, je crois que c'est un futur format sur lequel il va falloir très sérieusement se pencher. Ouais, mais j'ai déjà essayé des émulateurs par exemple en WebAssembly, tu peux vraiment faire ce que tu veux effectivement. Juste je voulais revenir sur Python, pourquoi Python c'est ton dada Stéphane, pourquoi c'est le dada de tous les data scientists et pourquoi c'est... Parce qu'en fait Python c'est un langage qui est relativement récent, il a dû se démocratiser mi-90, c'est un langage qui est très facile à utiliser. C'est un langage qui est un langage interprété hein, à la base, mais c'est un langage qui est interprété mais qui est relativement rapide parce qu'il est, traduit en bytecode effectivement entre les deux, donc en fait c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Ce qui est intéressant avec Python, c'est que c'est un langage interprété qui est donc assez facile à utiliser, à débugger, qui est assez simple à apprendre, qui peut s'utiliser aussi bien, donc voilà, tu lances un fichier, un programme... en ligne de commande, où tu peux l'utiliser en interactif, par exemple dans des notebooks comme ça, où tu peux lancer des morceaux de code, etc. Donc c'est assez pratique, donc c'est assez simple, assez accessible, mais en même temps, ça a accès à toute une variété de modules qui, eux, sont des modules de très haute performance. Donc, effectivement, tu parlais de Panda et donc de Polars. Donc Panda, par exemple, c'est un module de gestion de données qui est de très haute performance et qui est utilisable en Python. Et en fait, quand on fait du machine learning, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en Python, on crée son programme de machine learning, mais en fait, on crée la structure quelque part et on appelle des fonctions qui sont, eux, dans des modules. Et ces modules, eux, sont donc compilés. Si tu veux, ce sont des modules qui sont faits en langage compilé de très très haute, très très haute vitesse. Et ce qui fait que quand typiquement on fait du machine learning, par exemple, on appelle un réseau en TensorFlow, donc on appelle TensorFlow. Donc nous, on fait notre programme. Ben, on peut le débugger facilement, c'est assez simple à écrire, mais en même temps, on appelle les fonctions de TensorFlow, qui sont des fonctions qui sont écrites et ultra optimisées, qui sont donc faites avec des langages compilés, et qui sont ultra optimisées. En fait, on a le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que pour tout ce qui est non critique, ben, tu peux tout faire en Python, et en fait, à chaque fois que tu as des choses critiques, tu appelles des fonctions qui sont faites dans des modules qui sont ultra optimisés. Ce qui fait que finalement, c'est ça, tu as vraiment le meilleur des deux mondes. Tu as cet aspect interactif et simple à apprendre et accessible du Python, Et en plus, tu as toute la puissance de TensorFlow ou de Torch ou du framework que tu utilises derrière, qui lui est ultra optimisé et que tu peux appeler très facilement comme ça, avec voilà, toutes les facilités de Python. C'est pour ça que c'est un langage qui est extrêmement utilisé et qui est, bon, voilà, qui est très très très populaire, évidemment d'ailleurs très complètement justifié. Excellent, bah, qui est très, effectivement très populaire parce que très souvent je sens des encensements de Python. Donc écoutez, allez, plongez-vous dedans si le cœur vous en dit. Et puis forcément un sujet qui prête à sourire, mais qui est du coup peut-être aussi à prendre. Pourquoi j'ai la musique qui se lance là en arrière-plan? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pourquoi, pardon. Hop là. Excusez-moi, j'avais le générique qui s'était lancé, mais je sais pourquoi. Un autre sujet qui peut prêter à sourire, mais qui prête à faire surtout réfléchir, c'est un article que tu voulais nous partager, Steph, autour de, comment dire, la qualité de rédaction du code, non pas en tant que langage, mais de la manière dont on peut le commenter même. C'est ça. Alors, je l'ai noté sur le conducteur en mettant l'information indispensable en mettant un entre parenthèses, parce que je suis pas sûr que ce soit franchement indispensable, mais par contre c'est tellement vrai. Alors c'est un étudiant en thèse informatique donc qui s'est récemment intéressé à l'impact des jurons sur la qualité du code qui était produit par les développeurs et qui en font usage notamment dans les commentaires. Donc dans le cadre de son étude, il a parcouru et analysé presque 3800 codes sources qui contenaient des jurons en anglais et plus de 7600 codes sources qui n'en contenaient pas, et c'était sur GitHub. Ensuite, il a quantifié la conformité de ces deux ensembles aux normes de codage en C. Donc c'était que sur du code C, hein. Donc on constate de façon assez spectaculaire que les codes qui contenaient des jurons présentent une qualité de code qui était significativement meilleure que ceux qui n'en contenaient pas, selon d'ailleurs plusieurs tests statistiques. Donc l'utilisation des jurons, ça pourrait constituer pour du coup l'étudiant un indicateur de créativité et d'implication émotionnelle profonde du programmeur avec le code et ses complexités inhérentes. Je cite, hein. Par ailleurs, jurer pourrait également réduire le stress et améliorer la concentration et donc la qualité du code. Ok. Je vous passe hein, sur les noms d'oiseaux. Après, si ça vous intéresse, vous me direz si ça vous intéresse. Je pourrais vous donner ceux qui sont ressortis en priorité. Alors évidemment, il y a des critiques hein, de l'étude, et en particulier l'utilisation d'injures peut aussi être le signe d'une attitude négative ou de colère, et donc la qualité du code n'a pas de lien direct avec les jurons, et que les expressions permettent juste au programmeur finalement d'évacuer son stress ou d'exprimer un sentiment quelconque vis-à-vis de son travail. Donc en outre, on constate aussi que l'étude n'a analysé que des codes sources ouverts qui étaient écrits en C, de sorte que les autres résultats ne peuvent être généralisés à d'autres langages de programmation. Donc, quiconque a déjà programmé en C saura de quoi je parle. On a beaucoup plus tendance à jurer en C, effectivement, qu'en Python. Voilà, donc je pose une question innocente. À quand les injures dans le code produit par ChatGPT? Ah. Oh, est-ce que, non, ça ne doit pas être le cas puisque j'imagine qu'il évite de nous rapporter des jurons. Mais peut-être qu'au contraire, il faudrait lui demander explicitement à pondre du code en rajoutant. Ouais, ouais, mais c'est même très important, tu sais. C'est ouais. Parce que les IA, enfin les les modèles de langage, quand elles lisent le code, elles lisent aussi les commentaires. Et c'est justement, c'est ça qui les aide à savoir ce que ça fait. C'est comme ça qu'elles sont capables. Ouais, mais aussi est-ce qu'il va les restituer, tu vois? Alors, est-ce qu'il va restituer les commentaires? Ben, je pense qu'il restitue des commentaires, oui, aussi. Oui, mais alors, il va restituer des commentaires, oui, mais est-ce qu'il va restituer les commentaires avec les jurons? Mais j'espère. Bon, on testera, on va tester. Testez en écoutant ce passage de l'épisode supplément de Tech Café, et puis vous nous mettrez dans les commentaires sur techcafé.fr. Vous pouvez même vous rendre sur Discord pour nous faire part un petit peu de vos investigations sur le sujet. Il y a une rubrique dev sur le Discord qui sera évidemment tout à propos, je pense. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir préparé cet épisode et pour avoir participé à l'enregistrement de cette émission. C'était un vrai plaisir, Steph, de passer cette semaine Tech Café en ta compagnie. Est-ce que tu peux en profiter pour nous rappeler où on peut te retrouver si on veut échanger avec toi? Alors oui, avec plaisir. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que je crois pas. Moins bah, que ça moi. Va. Ça, je suis disponible voilà, pour échanger s'il y a besoin de compléments d'information. Donc, en particulier sur le Discord de Tech Café, où vous pouvez me retrouver à la mention de Steph500. Merci. Merci beaucoup pour ton temps et pour tes regards et tes expertises. Guillaume, est-ce que tu peux aussi simplement peut-être nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver et si on peut te retrouver sur Internet ? Moi, je pense qu'on peut me retrouver dans ma cuisine en train de manger des chamallows pendant que je peux encore. À 22h, c'est ça. Heures, à 23h, effectivement. En écoutant du cranberry, du coup. On est bien d'accord. C'est logique. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais tu sais que j'allais écouter, effectivement, à l'époque, hein. Bien sûr. Bah, évidemment. Alors, bien sûr, c'est important. Tu aimes le chamallow, vraiment ? Ou c'est. Non ? Oui, j'aime bien, oui. Je déteste le chamallow. Ah j'ai bon mon frère non, qui m'avait persuadé bien. Que. On avait un notre collège qui était situé dans un environnement qui sentait assez mauvais, assez régulièrement, c'était une usine, et il m'avait persuadé quand j'étais vraiment tout jeune que si ça sentait mauvais, c'était parce que c'était une usine qui fabriquait des chamallows à base de rats crevés récupérés sur les bords de route. Et petit, j'y ai beaucoup cru. J'étais très naïf et j'y ai beaucoup cru. Donc voilà, depuis, je n'aime pas les chamallows, sachez-le. Ne nous envoyez pas de chamallows ou envoyez-les peut-être à Guillaume Pogjaspala. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous voulez payer des chamallows à Guillaume Pogjaspala, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et si jamais vous voulez plus de Tech Café, rendez-vous dans les apps de podcast. Vous cherchez Tech Café et vous abonnez pour avoir les prochains épisodes qui devraient paraître maintenant dans quelques jours. Donc rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. On va faire l'opération le chamallow. Mais... Le chamallowton. Pas pour moi, du coup. Ben non.